Te fais pas d'illusions, ma petite. On gagne jamais contre l'État, ni contre les multinationales. Pas la peine de réclamer. Comme une balle dans ton cerveau, violent comme à la sortie de l'album de B2O. Ouais, c'est VO quand tu kiffes ce pot, choquant quand ta tête se change en zoo. C'est binaire pour la VO. Bon, mes frères, encore au cachot, à ceux qui posent dans mon studio, à nos prodiges face au Ronaldo. C'est véritable homicide, plus radical que le suicide. La version opposition du contredire la session. Binaire, viens équiper pour la mi, viens écouter mon VO quand on est hal. Mon label, plus rapide qu'une balle pour les frères que j'ai cités. En vieux, pas la peine d'insister. Après la revanche, c'est la belle, mon vieux. C'est l'équipe, celle qui sort ses tripes, celle qui se tape pour ses types, celle qui sort le flic, celle qui frappe les flics. Rousseau, c'est nous, c'est BNR. On est là pour les faire taire, venu prouver qu'on vaut nos pères. Là, la version originale, l'album tant attendu. J'tiens mes paroles, dédié à ceux qui croyaient plus, ceux qui disaient que c'était du bluff, dédié à ceux qui ont toujours cru. Famille, amis, à ceux qui nous ont soutenus. Ouais, j'espère avoir fait passer le message que petit frère deviendra sage. On a tous fait nos bis, pépère, le mec putain du terre-terre. Si tu veux pas finir en cache, frère. Viens défoncer deux démos en mode démo. VO dans ton stopo. Premier opus VO, c'est notre promo de retour. Amateur de rap, admire la puissance de ma frappe. Dédicace ceux qui croyaient plus, de retour mon frère. Ceux qui pouvaient plus attendre, nouveau BNR. Si c'est l'Holocauste, puis récit c'est blocus. Pas de solution, tout est bloqué ici, pas tant de paix. C'est mal barré, moi le matin je me lève avec le barreau. Amateur de gros lolo, collectionnant les bracos. C'est Royal qui débarque, comme mon couteau dans le dos. 92 pour mes gros BNR. Terroriste au cerveau. De retour, les deux frères sur un stru débarque. Fusillade dans le char, guide de corps au fond du parc. VO vient s'imposer, BNR, nouvelle façon de penser. La banlieue c'est VO, la violence c'est VO, les bracos c'est VO, ordre de mission. Pas qu'il a français, Sarko, Sarko, Sarko, Sarko, c'est VO.